depuis longtemps moi envie de dire tout sentiment qu'il y a dans le cœur en moi. Sentiment qui a tout fait moi, en sensation qui a peut-être en moi. Et c'est pour ça que moi qu'a chanté aujourd'hui. Depuis longtemps, moi envie de dire que moi peut-être jamais peux vivre sans vous, doudou. Oh, parce que les ou pas là, j'ai moins qu'à faire moi là. Et c'est pour ça que moi qu'à chanter aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je vais faire comme ça.